souviens de lui. Je l'ai connu et puis le poids des ans aidant, je l'oublie trop souvent. Je me souviens du groupe que nous formions jouant, avec le vent en poupe, à mêler nos talents. Le génie ne passe dans les mains que des monarques ou des baladins, des mains qui savent l'honorer, ou d'innocence le blasphémer. J'admirais secrètement cette sorte de confiance, qu'en toutes circonstances il arborait fièrement. J'admirais jusqu'au sang toutes ces envolées qu'un jour certainement j'arriverai à copier. Le génie ne passe dans les mains que des monarques ou des baladins, des mains qui savent l'honorer, ou l'innocence le blasphémer. En m'envolant, et pourtant j'ai manqué de l'affection de ce frère par moment. Le génie ne passe dans les mains que des monarques ou des baladins, des mains qui savent l'honorer, ou l'innocence le blasphémer.